l'amour qui en sauve le ici. Oh oh, naïe bio kopangaka, porte olikanga, l'amour qui en sauve le ici. Oh, chérie, oh, comment sanga y pasio. Akotuna yo mokolo yo koya. Soki bilamba soki mbongo na kopesa. Zambe na kopesa. Soki bilamba soki mbongo na kopesa. Soki bilamba yangeli geli.